Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, l'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme, le calendrier bien sûr. Nous sommes dans la sixième extinction. C'est Hubert Reeves, astrophysicien, qui parle. Et oui, c'est pas gay du tout. Non. Et 2014, Salomé. Mélenchon, Salamé. Oh là là, elle fait du tort à des gens, elle, Salamé. Ah oui. Oh là là. Enfin. Clément Viktorovitch, rhétorique, Macron du rien dire. Le Macron du rien dire. Alors, je lance un défi à Jules Nodou. Et Éric Nolot. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, le droit au silence. Ça vous. C'est à vous, la 5, hein, la 5e chaîne de télévision. Hein. Oui, ils ont des bonnes émissions de temps en temps. Hein. Oui. Ah, mais il faut tomber, il faut la sapette. Hein. Il paraît que la sécurité sociale va rembourser les piles de zapettes. Bah oui, parce que les gens, ils restent 2 secondes sur une chaîne. Ça leur plaît pas, ils passent à la chaîne suivante. Alors, ça use des piles. Hein, oui. Eh oui. Alors, France Inter, Fête juive et Pentecôte. Ensuite, le PDG de Total, gros Tartuffe. Et puis, conséquence d'une explosion atomique, happening présidentiel, Macron distribue des primes, c'est François Ruffin qui parle, ensuite Manon Aubry, nous ne voulons pas gouverner avec Macron, Mathieu Tabel de la France Insoumise parle du pouvoir d'achat, Et puis voilà, d'autres choses enregistrées à la télé, à la suite les unes des autres, l'activité, l'activité télévisuelle, hein, voilà, hein, toute une petite série de bouts d'émission. Et puis bon, une revue de presse, et puis voilà, ce sera tout pour ce soir. Bonne nuit. des esclavages et des libérations du 19 septembre. Eh oui, déjà 19 septembre, c'est fou ce que le temps passe. Eh oui, le temps passe, le souvenir reste. 1830, en France, début de la presse ouvrière, le numéro 1 du journal des ouvriers, Paris. 1892, France, au 5e congrès de la Fédération des syndicats à Marseille, Aristide Briand établit un rapport sur la grève générale. 1902, Hongrie, manifestation anti-allemande à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du combattant de la libération Kossuth. 1911, Grande-Bretagne, revendication des écoliers de Liverpool, fixation de l'âge limite à 14 ans, des cours moins longs, des vacances pour le ramassage des pommes de terre, pas de devoirs à la maison, l'abolition de la ceinture, des crayons et des gommes gratuits. 1914, USA. Pour réagir contre la guerre, le Parti socialiste américain, eh oui, ça a existé, lance une invitation à un congrès socialiste international. Eh ben, 1920, Italie. Un accord signé entre la direction d'Alfa Romeo et le syndicat prévoit des conseils élus par les ouvriers qui auraient le droit de contrôle sur la gestion. À partir de ce moment, le patronat va financer les fascistes pour parer au danger rouge. Le patronat, 1920, Italie, le patronat va financer les fascistes pour parer au danger rouge. Bon, toute ressemblance, non, il faut pas voir le mal partout. 1921, Maroc, proclamation de la République du Rif, regroupant les tribus confédérées de la zone espagnole sous la présidence d'Abdelkrim. 1927, Chine, Mao Tse-tung rejoint la montagne avec les survivants de la défaite. De cette insurrection manquée va naître l'armée rouge chinoise. On l'appellera l'insurrection de la moisson d'automne. 1934, URSS, la Russie soviétique entre dans la Société des Nations comme 59e pays membre. 1942, France, le gouvernement de Vichy décide la réquisition des hommes de 18 à 60 ans et des femmes célibataires de 20 à 50 ans pour le service du travail obligatoire, le STO, notamment en Allemagne. La résistance se durcit. La résistance se durcit. 1955, Argentine, chute de Perón, qui avait institué un régime de tyran de type bonapartiste à caractère policier, alliant des projets de justice sociale et de dirigisme économique. 1955, France, à Nantes, une imposante manifestation appuie les revendications des ouvriers. Combat de rue avec les CRS qui ouvrent le feu. 1960, Italie, grève générale avec la participation de 18 millions de salariés. Grève générale avec la participation de 18 millions de salariés. En Italie, 1960. 1970, Espagne, signature d'un accord pour les travailleurs du métro à Madrid. L'augmentation globale des salaires est de 118 millions de pesetas. 1978, Nicaragua, massacre de León par les troupes gouvernementales. On compte plus de 350 morts et 2500 blessés. 1981, Europe, Islam. Le Conseil islamique pour l'Europe proclame les droits de l'homme à partir de l'islam. Deux points, ouvrons les guillemets, précautionneusement. Ben oui, les textes religieux, il faut les lire précautionneusement. Dieu commande la justice, fermons les guillemets. Il s'agit entre autres du droit à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la justice, à la protection contre l'abus de pouvoir, à la protection contre la torture, à l'honneur et à la réputation, à l'asile, à la gestion des affaires publiques, à la liberté de foi, de religion et d'association. Eh oui. 1981, France. Des centaines de musulmans parisiens manifestent pour faire libérer leurs frères emprisonnés au Caire. 1981, Iran. Pendant ces deux jours, 182 opposants de gauche sont passés par les armes. 182 opposants de gauche sont passés par les armes en Iran en 1981. 1981 encore aux USA. Solidarity Day à Washington. 300 000 personnes manifestent pour protester contre la politique économique et sociale. Deux points, ouvre les guillemets, Reagan veut démolir les programmes sociaux que nous vous avons mis 40 ans à obtenir et faire payer aux classes moyennes une hypothétique relance. Fermons les guillemets. C'était aux États-Unis, c'était loin, hein. Oui. 1982, Suède. L'alternance politique joue. Les sociaux-démocrates l'emportent aux élections législatives contre une coalition de partis bourgeois au pouvoir depuis 42 ans. Partis bourgeois au pouvoir depuis 42 ans en Suède. Ah, bon. Vous avez évoqué la possibilité d'une sixième extinction des espèces dont pourrait faire partie le genre humain. C'est Comment ça. Est-ce que l'homme pourrait disparaître? Les extinctions, il y a eu de grandes périodes dans le passé de la Terre. Il y a eu 5 extinctions. C'est des moments où on voit tout d'un coup des populations animales mais disparaître, mais à 50-80%. Et puis d'autres espèces réussissent à survivre. Et les espèces qui passent au travers, ce sont les espèces qui sont bien adaptées qui se vivent en harmonie avec la nature, qui peuvent donner et recevoir, un peu comme les tortues, par exemple. Les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Les rats? Les rats. C'est pas très, très intelligent, mais ça s'est installé dans un rapport harmonieux. Nous, on est zéro. Sur le plan du rapport harmonie, on est en bas de l'échelle. On est des saccageurs, on saccage autour de nous d'une façon invraisemblable. Et cette, donc, on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la sixième extinction. C'est pas quelque chose à venir. On prévoit, à la vitesse à laquelle nous éliminons des espèces vivantes, qui est de 100 à 1000 fois plus élevée qu'en 1900, nous sommes plongés dans une période d'extinction et personne ne sait qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître. Vous demandez aux biologistes, ils vous disent tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Vous regarderez demain sur votre balance si vous êtes dans le collimateur de la sixième extinction. Une importante crise alimentaire sévit en ce moment dans plusieurs pays. Jean Ziegler, le rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation, accuse les biocarburants d'être un crime contre l'humanité. Vous en pensez quoi? Alors, au départ, ça paraissait une très bonne solution. Parce que ça, on peut l'utiliser dans la voiture, c'est de l'éthanol, ça remplace donc du maïs, l'essence, mais ça n'émet pas de gaz carbonique total, ça en prend et ça en émet. Donc ça paraissait très bien. Mais on s'est rapidement aperçu qu'il en fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup, et que pour avoir cette essence, il fallait planter des champs de maïs gigantesques, des palmiers, on coupe la forêt primaire pour mettre les palmiers. Ce sont de vraies catastrophes écologiques. Ça fait aussi que le prix du maïs a monté un peu partout, parce que qu'est-ce qui va manger? Est-ce que c'est les voitures ou les êtres humains? Là, on arrive, la voiture et l'être humain sont en conflit. Alors là aussi, il y a une nouvelle qui est assez intéressante, ça s'appelle les biocarburants de deuxième génération. Et ça, c'est ceux qu'on obtient à partir des feuilles mortes, à partir des branches sèches, à partir des tiges de maïs. Et là, apparemment, il y a un potentiel intéressant. Ça n'a pas l'effet de détruire l'écosystème, de détruire la forêt primaire. Et on en a parmi nous, on a une quantité d'énergie. Il faut simplement arriver à la transformer en éthanol. On peut le faire. Ça se fait. Pour l'instant, c'est encore très cher, mais toujours la recherche, le développement font qu'avec le temps, moi, je compte beaucoup. Je crois que c'est la bonne solution pour les voitures et pour les avions. Les glaces du Groenland et du pôle Nord se seraient reconstituées cet hiver à une vitesse inégalée. Est-ce que la planète se réchauffe moins qu'on le croit? Ben, toutes les informations que j'ai, c'est qu'elle se réchauffe rapidement et surtout dans les régions polaires. Et on pense que d'ici 2050, le pôle Nord sera libre de glace en été. Ce qui relance toute la problématique du passage du Nord-Ouest. Vous savez combien de bateaux ont essayé d'aller de l'Atlantique au Pacifique et ont eu des naufrages. C'était intéressant parce que si on peut éviter de passer par Panama, ça raccourcit le voyage. Là, on s'aperçoit que ça devient le cas et ça crée un climat assez de difficulté entre les différents pays. Parce qu'à qui appartient le pôle Nord? Tout d'un coup, le pôle Nord devient intéressant. Les Russes, les Norvégiens, les Américains, les Canadiens. J'ai entendu dire que le Canada était en train de se construire des navires de guerre au cas où il y aurait des conflits. Il se pourrait bien que le pôle devienne une région conflictuelle d'ici quelques temps. Depuis 2001, vous êtes le président de la Ligue ROC, une association française pour la préservation de la faune sauvage, la défense des non-chasseurs et pour la protection de la biodiversité. Comment vous êtes passé de l'astrophysique à l'écologie? Est-ce qu'il y a un lien entre l'astronomie et l'écologie? Oui, je dirais que c'est deux volets d'une même histoire. L'astronomie, la biologie vous apprend comment on en est venu à être ici. L'écologie vous dit comment y rester. L'un nous parle du passé, longue histoire, le Big Bang, les étoiles, les galaxies, tout ce que nous apprend la théorie de l'astronomie, la théorie de l'évolution de Darwin. Tout ça nous raconte notre passé et nous dit comment on en est venu à être ici ce soir, on en est venu à exister. Par ailleurs, on prend conscience du fait que cette belle planète est très menacée et ça, c'est l'écologie, comment y rester? Vous êtes né à Montréal le 13 juillet 1932. Vous avez obtenu un bac en physique à l'Université de Montréal, une maîtrise en physique à l'Université McGill et un doctorat en astrophysique nucléaire à l'Université Cornell. À l'Université Cornell, vous avez côtoyé les chercheurs qui étaient à l'origine de la bombe atomique. Comment vous avez vécu cette rencontre-là? On a beaucoup de discussions à propos de ces gens qui revenaient de Los Alamos, là où on avait fait la bombe atomique, et qui se défendaient la façon, je dirais ceci. Il faut se mettre dans le contexte. Dans les années 1940, le nazisme avait envahi l'Europe et menaçait d'envahir le monde. On apprenait que Hitler voulait développer la bombe atomique. Et si Hitler avait eu la bombe atomique, la guerre aurait pu être très différente. Donc moi, je comprends très bien que des gens, en particulier des Juifs, qui savent que leurs parents sont en train de cramer dans les camps de concentration, aient eu envie de faire quelque chose. Moi, si j'avais eu l'âge, je pense bien que j'aurais participé, parce que c'était une question locale, cruciale. Il fallait arrêter Hitler. Le problème, c'est qu'après coup, quand Hitler a été battu, les scientifiques ont continué, parce qu'ils ont dit, il y a les Russes aussi, et puis ça s'est enclenché. On a vécu la terreur nucléaire entre 1950 et 1980. C'est une période pendant laquelle, à tout instant, 5000 mégatonnes de bombes étaient prêtes à se sauter dessus. Et on est venu très près de cela. On le sait maintenant, non seulement à Cuba ou en Corée, mais les archives du Kremlin nous montrent que très souvent, on était à deux doigts d'avoir une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire aurait pu faire disparaître l'humanité. Une guerre nucléaire laisserait peut-être quelques personnes isolées sur une île du Pacifique, mais c'est des milliards de morts. Heureusement, Khrushchev et Reagan se sont dit « il faut arrêter ces folies ». Ils se sont réunis à Reykjavik, en Islande, et là, ils ont décidé de démanteler les silos nucléaires. Et puis après coup, l'Union soviétique s'est démantelée elle-même, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un scénario crédible. Il y en a encore beaucoup. Raisonnable. Oui, mais il n'y a pas de scénario raisonnable d'une guerre mondiale. On ne voit pas comment une guerre mondiale pourrait éclater. Bien sûr, il y a encore l'Iran qui en parle, la Corée, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment, comme il y avait à ce moment-là, à 5 minutes près, c'est 15 minutes une guerre nucléaire. Hein? Le temps que les fusées traversent l'Atlantique, 15 minutes. Il n'y a plus cela. Heureusement, on en est sorti. Mais c'est intéressant de s'en rappeler parce que ça nous remet dans l'idée que nous ne sommes pas éternels, que nous pouvons disparaître, que l'espèce humaine est une espèce périssable. Vous êtes directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique depuis 1976. Vous êtes astrophysicien et expert du cosmos. Monsieur Reeves, la question qui tue. Sommes-nous seuls dans l'univers? Eh bien oui, voilà une bonne question. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Nous ne savons absolument pas si nous sommes la seule planète habitée et habitée par des êtres intelligents qui peuvent poser des questions et avoir des émissions, tout le monde en parle, ou bien il y a peut-être des millions, en ce moment précis, d'émissions semblables un peu partout. On ne sait pas. Si vous me demandez mon opinion, ouais. Je vous dirais, c'est basé sur rien. Je ne peux pas la défendre par aucun argument scientifique. Si vous me demandez mon opinion, moi, je pense qu'il y en a beaucoup de planètes habitées. Mais encore une fois, c'est une opinion gratuite. Un feeling. Un feeling. Un feeling. À la suite de votre dernier passage à l'émission, en octobre 2005, la chanteuse Diane Dufresne vous a contacté pour vous dire que vous pouviez compter sur elle pour livrer votre message. Vous avez sauté sur l'occasion et vous lui avez écrit une chanson. Exact. Vous touchez vraiment à tout, hein? Vous faites de la chanson maintenant? Pensez-vous écrire une comédie musicale éventuellement? C'est pas dans mes projets pour l'instant. Pour l'instant? Non, mais quand même, il dirige des orchestres. Donc, Ça, c'est une de mes occupations. Depuis plusieurs années, j'ai dirigé des orchestres dans les œuvres de Mozart, des concertos pour flûte de Vivaldi, des choses simples. Oui. Les gens ne me demandent pas de jouer des symphonies de Mahler. Là, ce serait bien incapable. Vous devez avoir du style, je vous imagine bien. Monsieur Reeves, entrevue écolo. On va vous demander d'essayer de trouver des réponses à des questions qu'on entend de plus en plus souvent. Est-ce que l'homme va toujours être dépendant de l'automobile? Il sera certainement toujours dépendant d'un moyen de transport. Aujourd'hui, on favorise plus, quand c'est possible, la bicyclette, et ça va très bien, des moyens de transport qui sont à basse consommation. Où on va probablement voir revenir le cheval, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. C'est Il y a vrai? Beaucoup d'endroits où le cheval revient. On s'aperçoit que pour un champ, un cheval, ça coûte beaucoup moins et ça pollue beaucoup moins que des grosses mécaniques. Vous avez un Hummer? Voilà. L'informatique, ça fait économiser l'énergie ou ça en fait dépenser davantage? L'informatique, il y a deux réponses. D'abord, ça vous rend beaucoup, beaucoup plus efficace. Quand vous avez votre courriel et que vous pouvez correspondre avec les gens ou recevoir des informations. Moi, j'ai besoin d'un renseignement. Avant, j'aurais été obligé d'aller dans une bibliothèque à Washington. Je tape et je demande. Vous l'avez. Ça, je trouve que c'est vraiment un apport très, très important. On devient plus efficace et on a beaucoup plus de possibilités d'échanger avec ses amis. Sur Facebook, là, Hubert1932, est-ce que c'est vous, ça? Ben, j'ai entendu dire qu'on m'avait copié ou je sais pas. Il y avait une histoire compliquée que je devais dénoncer ou je sais pas quoi. Fausse identité, oui, ça arrive souvent. On a usurpé votre identité. Ah oui? Oui. Probablement pour creuser des filles. Ah! À ceux qui disent que les écologistes ne veulent que freiner la croissance économique, vous répondez quoi? Je dirais que s'il n'y a pas l'écologie, l'économie s'effondre. On n'a plus le choix, comme avant, à dire écologie ou économie. L'écologie, si on ne réussit pas à avoir un développement durable, l'économie s'effondre. On disait, oh, l'écologie, c'est une affaire de riches. En fait, les pays qui sont les plus menacés par le réchauffement planétaire, ce sont les pays pauvres. Un ouragan dans un bidonville, c'est pire qu'un ouragan à Miami. Parce qu'à Miami, vous avez des bâtiments solides, vous pouvez vous défendre. Si vous êtes dans un bidonville, tout est arraché. Et en fait, les pays pauvres sont plus menacés que nous par les problèmes du climat, de climatologie. Monsieur Reeves, est-ce que vous nous faites l'honneur de rester avec nous? Oui, volontiers. Merci beaucoup. Vous avez de bons yeux. Un seul souhait, que tous les neurones que vous avez usés à réfléchir provoquent un réveil planétaire qui vous permettra de retourner vers vos étoiles, l'esprit en paix, en sachant que les enfants de vos petits-enfants habiteront la planète dont vous rêvez. Merci. Eh monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines pas la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise ni de boudoré. C'est ta balin, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois. Ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Fume pas, bah t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi c'est du velours. Le tabac c'est le baume, la souffrance. Quand quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, on me parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La rouquine, qui était une pocharde, a donné son âme à des blaires. C'est ma morphine, c'est ma coco, quoi. C'est mon vice à moi, le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire, la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en fous, mais donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, c'est fort, ça tourne en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira, moins farouche, dans la fumée qui sortira de ma bouche. Arrêtez avec le banquier Macron. Non. C'est pas de votre niveau, Jean-Luc Mélenchon. Oh. Emmanueli, qui était banquier pendant 10 ans chez Rothschild, ça vous dérangeait pas de vous allier avec? Mais je suis pas dérangé qu'il soit banquier. Je suis dérangé qu'il applique une logique de banquier à la tête de l'État. C'est pourquoi je l'appelle banquier. C'est pas une injure, banquier, non? Je pourrais lui dire dans journaliste. Une bouche. Arrêtez avec ça. Mais c'est pas ma question du tout. Ma question c'est est pas la votre suivante. Question, mais c'était votre méchanceté. Non, mais peut-être que ce sera un très mauvais ministre de l'économie. Jugez-le sur sûr. Le fond. J'en vous sais rien. Moi, j'en sais rien. Ça fait un mois qu'il est arrivé. La politique que va appliquer Monsieur Macron va conduire à un désastre. Je vous l'annonce. Comme je l'ai fait il y a quelques années, comme je vous ai dit que ce qui se passait en Grèce se terminerait par une catastrophe, et comme je vous dis que l'Allemagne n'était pas un modèle et que ça tournerait une catastrophe, et tout ça s'est passé. Ne venez pas me dire que nous n'en savons rien. Si, madame, nous le savons, ces gens-là n'ont aucun succès. Ils ne savent faire qu'une chose, faire pâtir les pauvres gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international, les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. Voilà, bon bah c'est clair, hein, les vacances sont terminées, il va falloir ressortir le décrypteur, bien sûr. Alors, la téléologie, c'est un concept, c'est un véritable concept, utilisé pour décrire l'idée qu'une chose serait parvenue à son état final. Donc, si je traduis la phrase d'Emmanuel Macron, ça donne... Contrairement à ce que certains pensaient, la démocratie et les droits de l'homme ne se sont pas imposés partout dans le monde. Alors, vous me direz, pourquoi ne pas l'avoir dit comme ça? C'est une bonne question. D'autant que ce n'était pas la seule phrase tortueuse que le président a prononcée. Il y a aussi ce petit chef-d'œuvre que l'on a entreaperçu tout à l'heure. Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, il se trouve que parfois, ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile et juste. Et ensuite, on voit si c'est ce que les gens veulent entendre ou c'est ce sur quoi il faut les convaincre. C'est dans cet ordre-là, je pense, qu'il nous revient de prendre les choses. Et que donc, nous les prendrons. Voilà, donc là aussi, il faut être très concentré, évidemment. Et pourtant, le propos d'Emmanuel Macron peut être résumé tout à fait simplement. Nous devons avoir le courage de dire ce que nous pensons et pas ce que les gens veulent entendre. Vous voyez, c'était pas si compliqué. Et ce n'est pas non plus totalement anodin. On retrouve en fait l'une des caractéristiques rhétoriques d'Emmanuel Macron, la tendance à surcomplexifier l'intégralité de son discours. La grande question dès lors, c'est pourquoi faire? Quel bénéfice en tire-t-il? La première explication, c'est bien sûr l'argument d'autorité. En s'exprimant de manière tout à fait alambiquée, Emmanuel Macron cherche à paraître plus compétent. Mais je crois qu'il y a aussi une autre raison un peu plus profonde que tout cela. Plus nous sommes focalisés sur ces passages compliqués, et moins nous faisons attention au reste des déclarations. Et quand on regarde le reste des déclarations, on se rend compte qu'on a laissé passer ça, par exemple. Nous avons à projeter notre pays avec beaucoup d'ambition. Protéger celles et ceux qu'il convient de protéger, préserver ce qu'il convient de préserver, mais avoir beaucoup d'ambition pour le pays face à tous ces défis et ce qu'il nous convient de mener. Alors ça, c'est absolument passionnant, n'est-ce pas, hein ? Emmanuel Macron veut protéger, oui, mais qui ? Celles et ceux qu'il convient de protéger. Il veut préserver, certes, mais quoi ? Ce qu'il convient de préserver, il veut mener une politique, soit, mais laquelle ? Celle qu'il convient de mener ? En rhétorique, on appelle ça des raisonnements tautologiques, c'est-à-dire le fait de définir une chose par elle-même, ce qui revient littéralement à ne rien dire du tout. Et des exemples comme cela, il y en a plein durant toute cette déclaration. Et c'est peut-être ce qui explique que les propos d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance aient autant fait réagir. Parce que il pose un constat très fort, c'est vrai, mais quand on écoute le reste du discours, il ne nous dit jamais quelle conclusion il en tire. Méfions-nous donc des discours trop pompeux, ils ne servent parfois qu'à camoufler les creux. Une étiquette sur la figure, islamo-gauchiste. Et je remarque d'ailleurs qu'aucun des journalistes qui interrogent les responsables politiques qui se sont succédés sur les plateaux ne leur porte jamais la contradiction. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « vous êtes islamo-gauchiste », peut-être que le journaliste pourrait au moins dire « mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Quels arguments vous avez ?» Non, c'est un badge qu'on nous colle. Les accusations infamantes lancées contre Jean-Luc Mélenchon et les insoumis d'islamo-gauchisme, ce sont des accusations qui visent à cacher les turpitudes de ceux qui, en réalité, on peut présenter des faits les concernant. On nous reproche d'avoir participé au mois de novembre à une marche qui a été organisée en réaction à un attentat. Personne ne le dit non plus, hein. Tout le monde parle de cette marche, tout le monde oublie pourquoi cette marche a existé. C'est un militant d'extrême droite qui attaque une mosquée et vise des citoyens musulmans. Je vais vous dire une chose, allons au bout, allons au bout. Il y en a quelques-uns qui méritent qu'on leur rende la monnaie de leur pièce. en matière de donneur de leçons. C'est un militant d'extrême droite qui fournit les armes aux frères Kouachi qui tuent des journalistes à Charlie Hebdo. Ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise qui a armé le terroriste de l'hypercacher Hamedi Coulibaly. C'est un réseau lié à un ancien membre du service d'ordre du Front National. C'est le Front National qui se fait financer par les Émirats Arabes Unis, une banque émiratie à hauteur de 8 millions d'euros, alors que c'est un pays qui est placé sous surveillance internationale pour financement du terrorisme. Monsieur Manuel Valls, qui lui n'est même plus une girouette, c'est carrément une pale d'hélicoptère, en Espagne, qui manifeste avec l'extrême droite, mais qui vient donner des brevets de républicanisme en France. Il a fait des contrats à milliards avec l'Arabie Saoudite. Je termine. Lafarge, par exemple, c'est une société qui a financé Daesh. Son chef de la sécurité est un militant du Front National, du Rassemblement National, candidat au municipal. Monsieur Blanquer, lui aussi qui donne des brevets de laïcité, dont on sait qu'il a mis par le passé la pression sur monsieur Alain Morvan, un recteur qui s'était opposé à une école, l'installation d'une école, dont on sait que le fondateur a eu par intermédiaire des connexions avec Al-Qaïda. Ce que je vous dis pour terminer, c'est que la France insoumise est plus conséquente en matière de république et de laïcité que tous ces tartuffes qui donnent des leçons à longueur de journée. Au bal du petit Ajaccio, on n'en danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos, juste le temps d'un petit tango. Tango corse, un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Tango corse, c'est comme ça. Un jour, des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort un vrai tango de salariés. On les a jamais retrouvés. Tango corse, c'est un tango sélectionné. Le tango corse, pour les courageux fatigués. Chacun s'étire en même temps que l'accordéon et l'on soupire. Tango corse, que c'est bon. Quand à bout de force on va s'étendre une heure ou deux, le tango corse. C'est encore là qu'on le danse le mieux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air l'invité. Il s'est fixé un objectif, trouver le moyen de concilier la fin du monde et la fin du mois, d'accorder l'écologie politique et l'héritage du socialisme, au moment où le président Macron parle de sobriété et de grand basculement. Jean-Luc Mélenchon est mon invité. Bonjour. Bonsoir. Je n'ai pas l'intention de réconcilier la fin du monde. J'espère qu'elle n'ait pas lieu. Et la fin du mois, on va en parler. La fin du mois, c'est-à-dire que la lutte contre ce qui contribue à la fin du monde des humains, ça ne sera jamais la fin du monde de la planète, est la même lutte que celle à propos de les fins de mois, c'est-à-dire du partage de la richesse pour que les gens puissent vivre dignement. Vous savez, on ne rend pas les gens plus conscients quand ils sont enfermés dans la survie. On ne rend pas les gens plus dynamiques et plus engagés à régler les problèmes si on passe notre temps à leur faire peur en leur disant « Ah là là, tout est foutu ». Oui, mais il va falloir leur donner un espoir et un chemin. On va y revenir oui. dans un instant parce qu'il faudra embarquer les Français vers cette nouvelle sobriété. Tout d'abord, une question. Vous avez déclaré la taxe sur les superprofits, c'est la première bataille. Il faut la gagner. Alors, le président qu'a vu Olaf Scholz hier, le chancelier allemand, a proposé la mise en place d'une contribution européenne. Est-ce que ça va dans le bon sens? C'est toujours pareil. On est en train de parler de la taxe sur les super-profits. Oui. Tout le monde sait ce qu'est un super-profit. Monsieur Le Maire, qui est un homme subtil d'habitude, là, fait un peu l'idiot pour qu'on parle pas du problème. Il dit, oh, je sais pas ce qu'est un super-profit. Ben, on va te l'expliquer à la première occasion. Bon, on est en train de parler de ça. Dans tous les pays, ça se met en place. Le seul qui trouve le moyen de parler d'autre chose, c'est Macron. Pour une, oui, et Olaf, mais, oui, mais Scholz, il a augmenté 30% le salaire minimum dans son pays, et ils mettent en place une taxe sur les super-profits des compagnies pétrolières. Comme les Espagnols, comme les Anglais, comme. Tout le monde, sauf Monsieur Macron. Et le revoilà qui revient avec une espèce de taxe transversale. Vous n'y croyez pas, donc? Mais, non, je n'y crois pas, et puis il y a toujours un métro de retard. Je lui dis en pleine bagarre, en septembre 2021, je dis bloquez les prix, c'est maintenant qu'il faut le faire si vous voulez pas que ça dérape. On ne fait rien. On lui dit faites un prix de gros de l'essence pour toute l'Europe. Ça, c'était une bonne idée. 450 millions de personnes, on peut pas dire non à l'Europe si elle dit ah ben nous on paye plus l'essence que tel prix. Ils le font pas. Et des mois après que ce soit accumulé des fortunes gigantesques, et voilà qui arrive. Donc je dis à Monsieur Macron. Il faut taxer les super-profits des compagnies pétrolières et d'une manière générale. Cette contribution européenne qui pourrait être redistribuée ensuite aux États membres pour financer des mesures nationales. C'est ça. Une usine à gaz, bon. Son histoire. Mais pourquoi pas? Mais si vous voulez, pourquoi ne pas commencer par discuter des idées simples que nous proposons plutôt que des machins tordus où on a 2 heures à expliquer pourquoi ça marche Bref, pas. Pourquoi le combat continue sur les super-profits. Sur les super-profits, je dis d'une part. Je vous signale qu'il y a une enquête flash à l'Assemblée nationale. Il y a 2 rapporteurs. L'un des 2 est un insoumis, c'est Manuel Bompard. Et nous aurons une proposition de taxation des super-profits. Et il y aura une marche, je l'espère, à la mi-octobre, contre la vie chère. Vous vous rendez compte que pour quelqu'un qui travaille, vous, moi, on n'est pas dans la même catégorie, parce que nos salaires nous mettent à l'aise. Mais les gens qui en sont à un SMIC... Vous vous rendez compte de ce que c'est que perdre 10% de sa paye? Mais qui vous la prend, bon sang de bois? Qui vous la prend? Où elle va? Elle n'est pas perdue. Quand il y a, comme en ce moment, une augmentation des prix qui a une racine spéculative, mais considérable. L'année prochaine, si vous venez me dire, alors, monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une moins belle récolte, le blé coûte plus cher, donc les pâtes coûtent plus cher. Peut-être bien, mais sur la récolte de l'année dernière, c'est pas vrai. Donc, c'est de la spéculation. Sur le pétrole, c'est de la spéculation. D'accord? C'est dit. Il va falloir embarquer ce pays, pardon de le dire comme ça, vers la sobriété. Pour certains et pour tous, d'ailleurs ça va sans doute être une révolution des comportements. Je voudrais avoir votre réaction sur ce fou rire qui a beaucoup choqué Mbappé, l'entraîneur ensuite du PSG qui était interrogé. Est-ce que c'est mieux d'aller faire un Paris-Nantes en jet ou de le faire en train grâce à la SNCF? Ils ont ironisé en disant pourquoi pas en char à voile. Qu'est-ce que ça révèle? J'en sais rien, moi. Puis j'ai pas envie de faire, si vous voulez, moi je veux pas rentrer dans le jeu du buzz médiatique. Je sais pas le contexte et ainsi de suite. Ce que je peux dire, c'est que... Est-ce que ça parle de prise de conscience, ce qui se dit là, dans cette conférence de presse? Mais c'est quand même extraordinaire. La prise de conscience, c'est d'abord les dirigeants qui auraient dû la faire. C'est à eux qu'il faut demander des comptes. Vous avez attendu que ce soit la sécheresse et les incendies partout pour vous rendre compte qu'il y a un problème. Pourtant... J'ai commencé, pardon de me citer, ma campagne présidentielle sur la question de l'eau et de la sécheresse. On a alerté, ils n'ont rien fait. Maintenant, là, tous les météorologues de France et de Navarre disent il va y avoir un événement méditerranéen, toute l'eau qui s'est évaporée va retomber d'un coup. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Vous allez voir. À nouveau, on va être pris de court, on va pas savoir, et on va prendre qui en otage, qui on va culpabiliser, les Français. Ça veut dire que c'est pas aux Français de faire l'effort? Quand on dit 19 degrés dans les bâtiments, baisser la clim, quand on va dire consommer moins, faire de l'abondance, c'est pas aux Français de faire l'effort? Mais, bien sûr, mais il y en a marre de voir qu'on demande toujours l'effort aux mêmes. Écoutez, sur l'eau, par exemple. Allons-y sur l'eau. La perte qui est gigantesque d'eau. Vous avez jusqu'à 30-40% qui se perdent parce que les canalisations n'ont pas été renouvelées. Il a fallu que ça arrive dans l'Hexagone pour que les gens réalisent ce qui arrive dans les territoires d'outre-mer depuis 2 ou 3 ans. Bien, qu'ont-ils fait? Rien. À qui on demande de faire des efforts, encore cet été? Aux Français qui ont mis en route, je sais pas quoi, et les compagnies qui pompent dans les nappes phréatiques, et ceux qui vident les rivières, et le nucléaire qui réchauffe les rivières, qui réchauffe la mer, etc. Alors, ça, on n'en parle pas. Eh ben, parlons-en. Parlons-en dans le détail. Le Israël, dans son ensemble, qui compte plus de 150 millions d'habitants, a perdu 40% de ses ressources en eau depuis le début des années 2000. D'ici à 2030, je le précise, la population là-bas va doubler. Comment on répond à ça ? Ah ben, il faut travailler, hein. Bon, quand je suis allé voir le Doux à sec, ça n'a intéressé pas grand monde, il faut bien dire ce qui est, c'était un flop total, mon affaire. Le Doux, vous vous rendez compte, c'est dans l'est du pays. Mais les gens, ils ont vu depuis, hein. Ils ont Ouais, ouais, d'accord. Mais, pour autant, on n'a pas réglé les problèmes qui vont. D'abord, faut arrêter le gaspillage. Ensuite, faut refaire les canalisations. Enfin, il faut corriger le cycle de l'eau. Etc., etc. Des mesures concrètes, il y en a. Pour répondre à votre question, comme vous la formuliez tout à l'heure, parce que je crois que vous avez raison de poser la question. Il y a deux manières d'entraîner les gens. Ouais. Les clouer de peur et les culpabiliser. Ou bien dire, écoutez, fait le gouvernement, à votre avis? Oui, bien sûr, il compte sur la peur, comme ça il se donne des airs de chef de guerre à la noix, il n'en a pas gagné une seule depuis qu'il les engage, des guerres, mais bon. Non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Tout transformer en anxiété. Une difficulté dans la vie, vous avez deux manières de l'aborder. Ou bien vous vous effondrez, ou vous faites face. La plupart des gens font face, et dépassent la difficulté. Mmh. Donc, nous allons dépasser la difficulté par l'invention, par la solidarité, par l'entraide. Sacrifice, non? Mais quel sacrifice, mais... C'est un mot qui a été utilisé en cette rentrée, bah, ça va être compliqué. Oui, c'est ça, il faut se serrer la ceinture. Oui. C'est toujours les mêmes qui serrent la ceinture, c'est toujours les mêmes qui font des sacrifices. Mais essayons de réfléchir au choc que va recevoir le pays. Vous vous rappelez quand il y a eu le confinement pour la Covid, hein, on a pensé à tout, sauf à la conséquence psychologique. Je pense qu'à l'époque, les psys nous alertaient en disant « Vous vous rendez pas compte, c'est ça le plus grave ». On a dit « Oui, oui, bon, d'abord on s'occupe de la survie ». Cet hiver, on va éteindre les boutiques, d'accord ? Oui, les enseignes, pour faire des économies. C'est bien la sobriété. Et évidemment, j'en suis partisan. Parce qu'il n'y a pas de progrès possible sans sobriété. Il faut arrêter le gaspillage que tout ça a représenté. Bien. Pas la décroissance, la sobriété. La sobriété, mais la décroissance, elle va de soi. Il y a des choses qui doivent décroître. Par exemple, l'industrie nucléaire, il faut qu'elle décroître jusqu'à s'arrêter. Par contre, la construction de digues qui marchent avec le mouvement de la mer... La machine existe, elle est dans la rade de Brest, ça va falloir que ça croise. Donc si vous voulez, moi je propose un état d'esprit positif, optimiste. On s'attaque au problème et on va le régler. Vous êtes en essayant d'éviter sans arrêt de culpabiliser les gens. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes en train de sous-entendre qu'il va y avoir un choc psychologique. Oui, énorme. Mais écoutez, nous avons la société telle qu'elle est, on peut dire l'ère moderne, à privilégier par-dessus tout un sens. Hein, ça peut vous paraître un peu abstrait, mais vous allez allons-y, voir. Allons-y, allez-y. C'est la vue. On voit. Oui. Et c'est vieux, ça date d'il y a un moment. Hein. Tu as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru quand même. Bon, c'est pas d'aujourd'hui. Mais il y a tout le rabougrissement de l'être humain, c'est-à-dire l'appauvrissement de ses moyens d'entrer en contact avec le monde, s'est aggravé dans l'ère du capitalisme parce que beaucoup de choses ont été éliminées. Je vous donne un exemple qui va conduire à une lutte transversale, sociale et écologique. Le silence. Les animaux... Vous faites l'apologie du silence ? Oui. Les animaux... Je parle comme les animaux crient. Oui. Bon, les animaux ont besoin du silence dans le paysage sonore pour que leurs cris passent. Car une partie de leurs cris n'ont de sens que par les parts de silence qu'ils intègrent. Les êtres humains ne peuvent pas vivre dans le vacarme. Oh. Bien. Nous avons donc un intérêt tous à respecter l'univers sonore et à parler des passoires acoustiques. On parle des passoires thermiques tous les jours, mais des passoires acoustiques. C'est un martyr pour les gens de vivre dans le bruit. 87% d'entre eux considèrent que c'est devenu, le silence, un matériau rare pour les riches. Quel est le rapport avec le choc climatique, choc qu'on va... C'est la même chose. Affronter les problèmes en les regardant sans peur. Parce qu'on va trouver des solutions techniques, on va trouver le moyen de dépasser, on va en parler, on va mettre les choses... Ça prend du temps. Ben oui, ben on peut pas tout régler en 5 minutes, hein. Faut pas vous imaginer. Donc, on dit aux Français, ben du coup, pendant les 3 mois qui viennent, on va vous aider à subventionner des énergies fossiles. Parce qu'il faut aider et vous en avez besoin. Ah ouais. Bon, non, ça c'est pas une bonne idée. Mais pourquoi il faut du temps? Pardon de vous dire que les dégâts qui ont été faits sont considérables. La Terre a mis 3,5 milliards d'années à constituer la couche de terre qu'il y a dessus. D'accord? En 35 ans, ils en ont fait perdre 50% de la fertilité. Et alors, vous croyez qu'on va arriver et dire, allez, on répare. Très bien, on commence à réparer. Parfait, on arrête les glyphosates d'en foutre partout. Parce que on a mis des pesticides, ils sont allés dans la rivière. La rivière, c'est de l'eau, vous pouvez plus la boire. Faut vous rendre compte de la situation, les gens, parce que vous n'avez pas fini d'être confrontés à un sacré problème. 60% de l'eau potable et dans une dizaine de pays. 40% des gens sur toute la planète vivent sur des fleuves qui appartiennent à deux pays. Vous nous annoncez la guerre de l'eau. Le Figaro a fait un repérage que je trouve superbe de 13 conflits dans le monde qui vont être directement liés à l'eau. Alors après, on peut raconter ce qu'on veut, mais les gens, quand ils peuvent pas se passer de boire, faut comprendre ça. Et donc, ils vont passer les frontières. Où est la géopolitique ? La géopolitique du 21e siècle, eh ben, c'est celle qui va partir des conditions naturelles, écologiques, dans lesquelles évoluent les êtres humains. Il n'y a pas deux questions, une question sociale et une question écologique, c'est la même. Il s'agit de la biosphère dans laquelle nous vivons. Et nous le sommes en tant qu'êtres humains. Et j'y reviens, on ne peut pas vivre correctement quand on est obligé tous les jours de lutter pour la survie. Donc, à la mi-octobre, les gens, on marche par milliers pour que M. Macron comprenne que ce n'est plus supportable. Voilà. On marche pour dire on va changer de monde, on marche pour dire quoi ? Oui, tout ça, tout à la fois. Tout à la fois. Il y en a marre. Pour réclamer le silence ? Oui, mais pourquoi pas ? Mais écoutez, ne le prenez pas à la blague. Pas du tout. C'est grave tout ça. Bon, et en même temps, on va l'aborder un peu avec le sourire. Vous savez, dans la vie philosophique des êtres humains, il y a deux grandes bornes. Rabelais au XVIe siècle, le rire est le propre de l'homme. Baruch Spinoza au XVIIIe siècle. On essaie de terminer. Prenez-le avec le sourire, mais avec la conscience ouverte. Si vous ne changez pas tout, vous ne changerez rien. On peut terminer sur c'est un sourire. Ordre révolutionnaire. On peut terminer sur un sourire. Allez-y. J'essaye. Je veux être remplacé. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voulez être remplacé, Madame Roux ? C'est ce que vous auriez dit à un reporter, mais bon. Oui, je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix, parce d'accord, que. D'accord, voilà. Donc c'est n'importe quoi. Pas, mais. Ça n'a pas de sens. C'est une prétention de journaliste à prédire l'avenir. Moi, je ne sais pas si tout à l'heure, en sortant, je suis mort. Bon, alors, je ne comprends pas la question. 2027, c'est loin. Allez. Vous rendez compte, dans 5 ans ? Non, prenons le tout de suite. Le tout de suite, il faut tout changer pour que le détail change. Rappelez-vous de ça. Vous ne changerez pas par morceaux un système qui repose entièrement sur l'égoïsme social. Allez, un peu de courage. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que c'était votre rentrée politique sur le plateau de C'est dans l'air, l'invité. Je vous remercie. Alors ne riez pas trop fort, attention à l'accident, voici oui. Le journal. Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. Le journal de presque 17h17. 17h17, en moment 15h15. Et on commence par les titres. Ce week-end, nous cumulons une fête juive et la Pentecôte. Gérald Darmanin appelle les préfets à la vigilance pour la sécurité des lieux de culte et relève aujourd'hui le niveau de menace terroriste. Et oui, le ministre de l'Intérieur qui évoque la présence à l'entrée des lieux de culte de milliers de fidèles munis de faux livrets de prières. Ouais, attention, ouais. Bien évidemment. Et d'ailleurs, suite aux incidents survenus au Stade de France, plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir pour le match France-Danemark. Oui, selon nos prévisions, le match devrait débuter aux alentours de 2h du matin. Et des brèves. Oui, soyez vigilante, Charline, de fausses brèves. Essaye systématiquement, comme ça, de se glisser dans le journal. Ça, c'est les Anglais. Commençons, cela étant, par le conflit ukrainien qui franchit un triste cap. Oui, voilà 100 jours que le conflit a été déclenché. Et le président Zelensky a annoncé que la Russie contrôlait déjà environ 20% du territoire ukrainien. C'est très très inquiétant. En tout cas, moi ça m'inquiète parce que je serais inquiet à sa place. Depuis la dernière demi-finale de Coupe du Monde, on sait que même si un pays a moins de possessions sur le terrain, il peut quand même finir par l'emporter scandaleusement. Vous faites bien de signaler parce que ça, on n'y pense pas. Enfin, nous, on en est conscients. Les Français ne le sont pas. Des victimes. Même, je dirais. Le service public de leur rappeler, bien sûr. Économie, après 100 jours de guerre qui ont déstabilisé les marchés et les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, le prix du blé continue de flamber. Et oui, on va rien comprendre quand Dominique Seux va arrêter de commenter le cours de l'or ou du bitcoin pour se concentrer sur celui du kilo de pâte. Plus réjouissant maintenant, le jubilé de la reine Elisabeth II. Le prince Andrew est absent des célébrations à cause du Covid. Et oui, petite leçon d'anglais. Alors, en anglais, ce qu'on dit exclu de la famille royale suite à des scandales sexuels, c'est « he has COVID ». Voilà, c'est comme ça, ce genre de petit cours. Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a félicité Elisabeth II pour son jubilé. Et oui, Kim Jong-un qui cherche toujours à comprendre comment une personne peut rester aussi longtemps au pouvoir dans un pays qui n'est même pas une dictature. Et en France, alors que Michel Sardou a menacé de quitter le pays si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, eh bien le leader de la France insoumise a répliqué. Monsieur Sardou, partez pas, restez, on vous aime trop et vous aimez trop votre pays. Ne partez pas, restez, on vous aime trop. Jean-Luc Mélenchon qui fait une déclaration d'amour à Michel Sardou. Ça paraissait aussi peu probable qu'Éric Zemmour qui roule une pelle à Diams. Même s'il part quand même, hein, Jean-Luc Mélenchon lui a été clair. Hein, ah oui, il a été très clair. D'autant que ça sert à rien. Le système d'impôts universel que nous avons imaginé, vous pouvez aller même en enfer, je vous rattrape, avec la note. Bon. Oui. Et l'enfer pour Michel Sardou, c'est quoi? C'est la fête de l'humain. Donc Jean-Luc, il le trouvera assez facilement. Une page éducation, car hier, Parcoursup a délivré ses premiers résultats et bon, visiblement, le système laisse encore un peu non, à désirer. Non, Charline, c'est des supporters anglais de Liverpool qui tentaient massivement de s'inscrire dans notre éducation nationale. Oui, c'est bien ça. Sûr, c'est de là que ça vient, le bug. C'est les Anglais. Ça. Transport, la société Uber a dévoilé son top 10 des objets oubliés dans ses véhicules. Ah. Et pour Paris, on trouve notamment une mallette de faux billets, un appareil auditif ou encore un déambulateur. Et oui, on ne sait pas si Patrick et Isabelle Balkany se sont manifestés pour récupérer leurs trois objets. People toujours, la chanteuse Shakira a surpris Gérard Piqué en train de la tromper avec une autre femme et leur séparation est imminente. Bref, Shakira s'est fait piquer son mec. Pardon. Parce que c'est un jeu de mots, c'est son nom. Oui, Gérard Piqué. Ah, bien pardon, sûr. Oui, pardon. Oui, super. Ouais, c'est pour ça faut tout suivre. Je vous laisse un peu de temps, c'est au cas où. C'est bon, voilà. C'est la Suisse. Sinon, c'était hilarant, sinon, mais bon. On avait envie de laisser un petit blanc derrière. Il y avait une poésie. Oui. La poésie du flop. C'est tout. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie parce que vous ne l'aviez pas. Vous ne l'aviez pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé. Vraiment, j'aurais pas pensé. Merci. Piqué au vif. Oui, un petit peu. Oui, on va s'arrêter là. On va passer à la prochaine. Une astuce TikTok fait actuellement le buzz sur le réseau social. Elle consiste à se frotter les poignets pour réussir ensuite à s'endormir en 2 minutes. Oui, alors là, pour aider à s'endormir au mieux, j'avais une autre astuce qui sollicite les poignets. Et c'est pas le même site internet que TikTok, mais voilà, on va peut-être passer et aux brèves. Et c'est seulement maintenant les brèves. Et hein, oui, voilà. Vous voyez que j'avais dit qu'elle avait des fausses qui se glissaient. Hein, et vous avez pété vigilante, vous l'avez lu quand même. Au tribunal de Reims, un homme commet tellement de vols qu'il ne sait plus pour lequel il comparaît. Et clairement, Nicolas Sarkozy vit exactement le même souci au tribunal de Paris. Et la dernière, ah, c'est à Paris, attention, accrochez-vous. Pensant avoir affaire à un braquage, la BAC intervient lors d'un escape game et menotte 2 joueurs en pleine partie. Les joueurs ont tenu tête aux policiers, pensant que c'était des comédiens. Ah merde! Alors vous allez me dire que je fais encore passer la police pour des idiots et je vous répondrai qu'ils y arrivent très bien sans moi. Merci Alex Vizorek. Mais de rien. Merci. Gracias a la vie que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Yeah. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman. Alors, est-ce que les grands patrons ce matin de Total Energy ont dit, ils ont appelé les Français à être plus sobres dans leur consommation d'énergie pour favoriser la cohésion sociale ? Est-ce que vous dites d'Engie, les patrons d'EDF et le patron de Total. Alors, je trouve ça d'accord avec eux pour. Non, pour... moi je veux dire, ce sont des gros tartuffes. Ce sont des gros tartuffes. Le patron de Total, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre. Monsieur Pouyanné s'est augmenté de 52% l'année dernière. Patron de Total. Ouais, le patron de Total. Est-ce que. Il s'est dit, bah tiens, cet argent-là, qu'est-ce que c'est ? C'est du profit sur la guerre en Ukraine, c'est du profit sur le gasoil à plus de 2 euros. 5 milliards d'euros, j'ai calculé. Sur le premier trimestre, j'ai calculé. Il y a 18 millions de Français qui prennent leur voiture tous les jours pour faire une distance de plus de 5 kilomètres pour aller au travail. Ça veut dire que si ces bénéfices-là étaient redistribués aux Français, ça ferait 100 euros par mois. Voilà sur quoi s'enrichit le patron de Total. Ben merci, effectivement, on connaît les 12 candidats qui vont s'affronter pour l'Elysée. Les voici en image. Alors évidemment, ça n'est pas à l'échelle. On a représenté chaque candidat proportionnellement au temps d'antenne dont il a disposé depuis le début de la campagne. Vive la démocratie. Le petit truc entre les seins de Valérie Pécresse, c'est Philippe Poutou. Vous êtes les seuls à l'avoir invité. D'ailleurs, Philippe, personne ne l'invite. Même à son anniversaire, d'ailleurs, il est rarement invité. Alors, on commence le tour d'horizon avec la blondasse d'extrême droite, Valérie Pécresse, bien sûr. Ah, elle veut la majorité pénale à 16 ans, le durcissement du regroupement familial. Elle parle grand remplacement. On a l'impression qu'elle s'est fait voler son sac Vuitton par Le Pen et Zemmour. Ça fait 2 mois qu'elle leur court après. Elle est tout essoufflée. Ça pique un peu quand même de se dire que Valérie Pécresse, c'est la nouvelle tête pensante du gaullisme. Heureusement que c'est pas elle qui menait la France libre en 44. Elle aurait pas laissé débarquer les alliés parce qu'ils étaient étrangers. On passe à Marine Le Pen. À Marine Le Pen, exactement. Miskine Marine. Miskine, elle est perdue la pauvre depuis que Zemmour lui fait de la concurrence, t'as vu Marine, c'est pas un étranger qui t'a volé ton boulot, karma dans ta gueule, hein. Pour essayer de survivre, elle en est à expliquer que Zemmour est un peu excessif, c'est pas qu'il dit de la merde, hein, c'est juste qu'il exagère un petit peu, donc si vous êtes un raciste modéré, un xénophobe mesuré ou un nazi pondéré, votez Le Pen. Alors Éric Zemmour, justement. Éric Zemmour, on va faire le contraire des journalistes. On va pas parler de lui, le pauvre, il est complètement sénile. Il commence une phrase sur les éoliennes, il termine sur les musulmans. On ne sait pas. Connexion ne se fait pas. Ça c'est bon ça. En tout cas, entre Le Pen, Pécresse, Dupont-Aignan et Zemmour, il y a plus de choix pour un facho au premier tour que pour un pédo au concert d'Henri Dess. Allez, on passe à gauche. Ah ben non, Non, on va parler d'Anne Hidalgo. Moi, je l'aime bien. Elle mène un beau combat, Anne, depuis des années. Prouver que l'incompétence n'est pas réservée aux hommes. J'adore sa campagne, Hidalgo. Il y a un petit côté Pierre Ménès qui fait du kitesurf. Ça ne décolle jamais, mais c'est divertissant. Dans les sondages, elle est à 2%, Anne. On ne sait plus si c'est une candidate ou un téléphone après un Rennes Marseille en Ouigo. À gauche, donc, ils sont 5 candidats. La seule solution pour espérer l'emporter, c'était une candidature commune. Mais non, ils n'ont pas voulu. Ils sont tellement égocentriques qu'ils préfèrent perdre tout seul que gagner à plusieurs. Si vous cherchez Mélenchon, Jadot et Roussel dans une partouze masquée, c'est facile. C'est les trois qui se touchent devant un miroir. Donc la gauche, on va juste faire un petit tour. Comme à l'élection. Bien vu, bravo. Merci. Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai un problème avec Jean-Luc. Je suis d'accord avec tout ce qu'il propose. Le seul truc qui me dérange dans le programme de Mélenchon, c'est Mélenchon. Ah oui. Il est élu depuis 37 ans. Mais c'est mon âge. Moi, j'ai passé toute ma vie sous Mélenchon. J'ai l'impression d'être son slip. Même Michel Drucker trouve que ça fait trop longtemps qu'il est là, Mélenchon. Yannick Jadot, on passe à Yannick Jadot, l'intermittent de l'écologie. Le verre à moitié vide. Qui aime le foie gras et qui est pour la chasse, sauf le week-end. Eh ben, je vais voter pour toi, Yannick. Sauf le week-end. Un dommage, les élections, c'est un dimanche. Et on finit avec mon champion, Emmanuel Macron. Ni de droite, ni de gauche, pile au milieu, dans notre cul. En 5 ans, il a tout cassé, Macron. Les soignants sont en burn-out, les étudiants bouffent au resto du cœur, les chômeurs bouffent plus. Les seuls qui sortent gagnants de la présidence Macron, c'est les gilets jaunes, puisqu'ils n'achètent plus qu'une lentille de contact sur deux. C'est pas un bilan. C'est un casier judiciaire. Et maintenant, face à la guerre qui menace l'Europe, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait nous protéger. Alors, excusez-moi, mais j'ai du mal à y croire. À part les 5% de Français les plus riches et son capital soleil, parce qu'il va en vacances dans le Nord, il n'a jamais rien protégé. Si Macron, c'était une marque de capote, il y aurait 25 enfants par famille et un site d'action tous les soirs après la météo. Après, il faut être fair-play. Il faut être fair-play. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas acheté dans le quinquennat Macron. 300 000 sans-abri, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, des hôpitaux surchargés. Personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir préparé les Français aux conséquences de la guerre. Il est magique, Macron. Il a quand même passé son quinquennat à vendre des armes à toutes les dictatures du monde. Il y a des morts made in France de la Syrie au Yémen. On exporte plus de missiles que de camembert. Et il vient chialer aux 20h parce qu'il y a la guerre dans le monde. Pourquoi il y a du caca partout? Eh ben peut-être parce que t'as foutu 10 litres de laxatif dans la sangria, Manu. Merci de m'avoir écouté. François Ruffin, sur le SMIC, par exemple, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, a dit ben, pourquoi pas 1400 euros? Et c'est ce que demandait Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Vous êtes aujourd'hui passé à 1500 euros. Mais si c'est 1400 euros, est-ce que vous direz oui à cette, vous voteriez pour cette mesure proposée par le gouvernement? Ça sera un pas. Mais je vais vous dire, là, aujourd'hui, là, la question ne se pose pas seulement sur le SMIC. D'accord. Si on dit qu'il va y avoir 6-7%, l'inflation est installée dans mais la durée. Je vous parle de la question du SMIC. Oui, ben, je vous dis, 1400 euros, ça sera mieux que rien pour les gens, mais aujourd'hui, pour les gens, vivre avec 1400 euros, c'est bien compliqué. Aucun de nous autour de cette table n'envisagerait de vivre avec 1400 euros. Ça, c'est quand même un point à poser, clé. Et pourtant, vous n'avez sans doute pas votre voiture à prendre tous les jours pour aller entre votre domicile et votre travail. Donc, manifestement, ça ne suffira pas, ces 1400 euros. Mais là, Moi, je suis favorable sur le pouvoir d'achat, non seulement à ce qu'on pense à ce qui se passe au niveau du SMIC, mais à ce qui se passe au-dessus aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a 1700, 1800 euros aujourd'hui que dans le pays, on vit bien. Maintenant, la dignité des gens, je vous parle de 4,5 millions de salariés dans le pays, qui sont les travailleurs de la deuxième ligne, qu'on a considéré comme étant essentiels au bon fonctionnement du pays pendant la crise Covid, et qui aujourd'hui, c'est un rapport du ministère du Travail que je vous invite à consulter. Le rapport RL, et qui énonce que la plupart de ces salariés sont aujourd'hui sous le SMIC, sous le seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a soit des temps partiels contraints, soit une alternance de période d'intérim et de période de chômage. Et donc, la réponse face à la fois l'inflation, sur laquelle j'espère qu'on va revenir, l'inflation, elle est inscrite maintenant dans la durée. Donc, il faut des réponses dans la durée. Il ne va pas falloir seulement des primes et des chécounets. Ils nous offrent des primes, des petits bons, on a le droit à tout ça. Mais non, ce n'est pas des mesures dans la durée. Sérieusement, depuis quand le président de la République décerne des brevets de respectabilité, de capacité à gouverner? Que nous ne voulions pas gouverner avec lui sur son projet, c'est une évidence. Tout le monde aura bien compris, et d'ailleurs il le répète dans cette interview, que nous sommes en profond désaccord, notamment sur la réforme des retraites à 65 ans. Il répète dans cette interview qu'il va la faire pour faire des économies. Oui, nous sommes en désaccord. Mais il ne peut pas, de cette manière-là, continuer à décréter qui est républicain ou non une semaine, la semaine d'après, qui peut participer à un gouvernement ou non, qui peut travailler dans les grands efforts de la nation, tout ça. Franchement, c'est, je trouve pas du tout respectueux vis-à-vis des désaccords politiques que nous avons, qui existent, qui sont là, mais il ne peut pas comme ça balayer d'un revers de la main en pensant que il peut négliger finalement ce qui s'est passé dans les urnes. Et le sentiment que ça me laisse, je vais vous dire au final, c'est que ça fait la deuxième fois qu'Emmanuel Macron prend la parole, et la deuxième fois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé dans les urnes, c'est-à-dire que son projet n'est pas majoritaire et qu'il faut qu'il fasse l'œuvre d'un mea culpa ou tout le moins d'un pas en avant pour dire je prends acte par exemple du fait que la retraite des 60 la réforme des retraites à 65 ans n'est pas majoritaire et donc que j'y renonce et finalement il change sa méthode de gouverner mais manifestement il n'a pas l'air de le vouloir et je pense que nous allons devant d'un blocage politique s'il continue à s'entêter de cette manière-là. Pour notre part, nous aussi, nous voterons l'amendement de notre collègue Dharréville parce qu'il a le mérite de mettre chacun devant ses responsabilités. Avec cette prime, avec toutes les exonérations, vous, La République En Marche, mais d'ailleurs c'était aussi le programme de Madame Le Pen, comme quoi il y avait un programme conjoint entre Macron et Le Pen, vous avez comme doctrine « donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure ». Vous proposez de donner aux salariés ce que vous viendrez ensuite reprendre aux contribuables. Et au passage, c'est le trésor public qui devra compenser ce que vous ne prenez pas sur le trésor privé, c'est-à-dire sur les profits des grandes entreprises. Vous proposez que le peuple se paye lui-même ses augmentations de salaire et de pouvoir d'achat, soit par des exonérations de cotisations sur les salaires, soit par des exonérations de cotisations sur les primes. À chaque fois, c'est la même arnaque et ce sont toujours les mêmes qui y gagnent, ceux qui déjà ont beaucoup trop, et toujours les mêmes qui perdent, ceux qui n'ont pas assez pour vivre. On voit là que le vernis craque avec la réponse qui nous a été faite sur le refus de tout compromis avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le vernis craque. Hier soir, pendant que nous nous battions pour les hausses de salaire, Madame Le Pen dormait. Parce que quand on parle de la condition des salariés, elle est bien au chaud dans son lit, dans le château de Montretout. Voilà la vérité. Et à l'instant, le Rassemblement national se réveille pour voler au secours de La République En Marche. Peut-être que notre collègue voudrait adhérer à votre groupe. Il le pourrait, puisque vous allez voter ensemble une loi et un article, une prime qui n'est pas une prime de pouvoir d'achat, qui n'est pas une prime de partage de la valeur, qui est une prime anti-salaire et une prime anti-sécurité sociale. Voilà ce que vous allez faire. Et nous, de notre côté, nous continuerons à défendre, comme nous l'avons fait dans la proposition de loi d'urgence sociale de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la hausse du SMIC à 1 500 euros, la conférence sociale pour augmenter tous les salaires, le blocage des prix, c'est-à-dire des mesures qui changeront vraiment la vie des gens et dont vous ne voulez pas, mais que nous obtiendrons. Thank you. Effondrement du marché de la viande, des milliers de bêtes abattues. À l'origine de la maladie, l'alimentation du bétail, des farines animales contaminées, vendues par l'Angleterre. La Grande-Bretagne aurait exporté jusqu'en 1991 d'importantes quantités de farines animales, potentiellement contaminées, vers la France et d'autres pays, et ce à un moment où elle-même en interdisait la consommation sur son propre territoire. Le scandale est énorme. En 2000, le Sénat veut comprendre comment les Anglais ont pu vendre partout en Europe des farines qu'ils savaient contaminées et qu'ils avaient interdites chez eux. Le Sénat lance une commission d'enquête sur le sujet. Et ces commissions d'enquête se faisaient normalement en vase clos. Mais au même moment, les chaînes parlementaires se créent et décident de diffuser les auditions. Jean-Pierre Elkabbach, qui est à ce moment-là président de Public Sénat, a une formidable intuition. Il se dit c'est une opportunité incroyable pour faire découvrir au grand public, aux citoyens, une autre facette du travail parlementaire. Alors, nous, on a un peu hésité parce qu'on s'est dit, voilà, comment ça va être pris d'abord à l'intérieur de la maison. C'était une maison quand même un peu fermée, il faut bien le reconnaître, à l'époque. Et finalement, on décide de dire oui et de le faire. Je proclame la commission d'enquête sur les conditions d'utilisation des farines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage et les conséquences qu'elles résultent pour la santé des consommateurs. Tout le monde avait peur, si je puis dire, d'être comptable de tout ça. Tout le monde avait peur. Et ça peut se comprendre, mais l'objectif d'une commission d'enquête, c'est de faire toute la vérité. Le journaliste Laurent Richard est autorisé à filmer toutes les coulisses des auditions, une première. quand on est journaliste et qu'on filme la coulisse d'une commission d'enquête parlementaire, c'est un vrai bonheur. Et encore plus sur ce type d'histoire où il y a beaucoup d'opacité, beaucoup d'enjeux, beaucoup de mensonges, des mensonges d'État. Là, sous nos yeux, les gens prêtent serment et doivent tenir un discours et répondre à des questions posées par des parlementaires. 57 personnes défilent devant les sénateurs, dont plusieurs ministres de l'Agriculture, comme Henri Nallet. Il était aux affaires quand la France a acheté des farines animales contaminées, mais il rejette la faute sur les Anglais. M'a pas prévenu. Mon collègue ministre ne m'a pas dit « je te signale qu'on vient d'interdire l'utilisation des farines ». Jamais, je n'ai pas le souvenir, j'ai cherché, j'ai regardé dans mes notes. Direction Londres, pour interroger les autorités britanniques. Les sénateurs se déplacent toujours sur le terrain. Non seulement ils entendent les personnes concernées par leur travail, par leur enquête, mais ils vont aussi sur le terrain voir exactement comment ça se passe en France, à l'étranger, dans l'Union européenne ou ailleurs. Une audition est organisée à l'ambassade de France. Là, je ne me suis pas privé de faire le reproche à nos amis britanniques. Eh bien, de ne pas nous avoir informés très clairement. Nous n'avons pas reçu, nous, au niveau du gouvernement français, au niveau de l'État français, d'informations suffisantes sur, justement, le caractère dangereux de ces farines au travers de l'alimentation animale. Je comprends votre point de vue. On pouvait crier, attention, attention, à ce qui peut se passer. On n'a pas fait ça, mais... On vous avait averti quand même ce qui se passait, sans crier, oui, bien sûr. Les élus français rentrent bredouilles de Londres. Ils veulent alors comprendre pourquoi la Commission européenne a laissé circuler ces farines contaminées pendant des années sans réagir. Nous avions demandé une audience donc à la Commission européenne, nous avait dit oui, donc d'ailleurs on était tous partis en Thalys, voilà. L'équipé va tourner court. Une heure avant d'arriver, coup de téléphone, refus total de participation. Alors, voulez-vous que je passe le rapporteur, M. Bizet ? On nous a demandé de modifier notre programme, entre guillemets, je dirais, d'audition, sinon nous n'aurions pas d'interlocuteur, ce qui nous a mis dans une certaine colère. Et en fait, quand même, à force de parlementer, on a eu une personne qui... Il a quand même été autorisé à venir parler avec nous. Mais enfin, c'était quand même un peu curieux, l'attitude, parce que bah, l'Europe traînait les pieds, quoi, en fait, pour s'occuper de ce problème-là. Disant tué par des pédophiles. En 2001, la police pense démanteler un gigantesque réseau international. Un juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer, Fabrice Burgot, mène l'enquête. 24 enfants au moins ont été victimes de ce réseau. 15 adultes sont sous les verrous. Mais si le meurtre se confirme, en d'autres termes, si l'on déterre un corps ici, l'affaire des pédophiles d'Outreau prendra une dimension plus dramatique encore. La fillette ne sera jamais retrouvée, et pour cause, elle n'existait pas. Pourtant, 3 ans plus tard, 17 personnes sont jugées. Très vite, la thèse du soi-disant réseau pédophile international s'écroule. Pour commencer donc ce coup de théâtre qui pourrait bien modifier le visage du procès d'Outreau. Les deux principales accusées qui ont reconnu avoir violé leurs propres enfants ont en revanche reconnu qu'ils avaient menti. Myriam Badawi, son compagnon Thierry Delay et 2 voisins sont condamnés. Seulement 4 des 17 accusés du dossier. Le jour même, 7 autres prévenus sont acquittés. Petit garçon, ça fait 3 ans qu'on me l'a pris. Et je n'ai rien fait, j'ai toujours dit que je n'ai rien fait. Vous prenez ce dossier quelques jours, vous le regardez, vous le lisez, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes. Un an plus tard, à la cour d'appel de Paris, les 6 derniers prévenus sont acquittés à leur tour. Au total, si on additionne toutes les peines de prison effectuées par les acquittés, on arrive à 26 années d'incarcération. Le scandale judiciaire est énorme. Face à l'indignation générale, les plus hautes autorités de l'État réagissent. En tant que ministre de la Justice, je présente mes excuses à tous les acquittés et à leurs familles. Et Dominique de Villepin, est-ce qu'il présente aussi ses excuses? Bien sûr. D'abord, vous me permettrez d'exprimer mon émotion devant un tel drame, devant ce gâchis judiciaire. Que des gens aient été incarcérés pendant un grand nombre de mois pour être finalement reconnus non coupables, c'est inadmissible. En 2006, les parlementaires décident donc de créer une commission d'enquête pour déterminer les causes de ce fiasco judiciaire. Mais les juges ne sont pas d'accord. Les magistrats ont très mal réagi et ça a duré tout au long de la commission d'enquête. Sur le thème, mais comment des parlementaires peuvent-ils oser remettre en cause le fonctionnement de la justice? Une affaire a été jugée en première instance, puis en appel. La justice a fonctionné, bien ou mal, elle a fonctionné. Et au nom de la séparation des pouvoirs, les magistrats ne comprenaient pas que des parlementaires puissent aller s'inquiéter de ce qui s'était passé dans cette affaire. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice, c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. On a entendu ça au début, hein. Après, ça s'est calmé, mais il y avait une tension énorme entre la magistrature qui n'a jamais accepté cette commission d'enquête au fond. Il a fallu que le gouvernement, le président, calme le jeu et dise, écoutez, c'est le droit des parlementaires, des députés, de mener une commission d'enquête. Richard Michel, patron de la chaîne parlementaire à l'époque, veut téléviser les auditions. C'est devenu un événement national. Et moi, je veux en faire un événement national. Et pour ça, il faut que je diffuse in excelso cette commission d'enquête. On apprend dans l'après-midi donc une révélation au Mediapart comme quoi Jérôme Cahuzac aurait un compte en Suisse. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a démenti aujourd'hui formellement les informations du site Mediapart, selon lequel il aurait détenu un compte bancaire non déclaré en Suisse jusqu'au début de l'année 2010. Il a annoncé son intention de porter plainte contre le site qui a publié cette enquête. Le lendemain est un mercredi, le jour des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et par chance, mon groupe avait une question d'actualité à 15h, juste au moment de la reprise. Des questions d'actualité. La séance est ouverte. La question est à monsieur Daniel Fasquelle. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Jérôme Cahuzac, ministre du Budget. Première question, est-il exact, monsieur le ministre, que vous avez eu un compte non déclaré à l'Union des banques suisses de Genève pendant de longues années? Deuxième question, est-il exact que vous êtes déplacé en Suisse début 2010 s'il vous plaît. Et que vous avez clôturé ce compte à la veille de votre élection à la présidence de la Commission des Finances? Et je me souviens encore de Jérôme Cahuzac se levant, me disant « Monsieur le député, je vous remercie de la question que vous me posez et je vous le dis enfin au fond des yeux, je les regarde comme ça, je n'ai jamais eu... » Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je demande donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Quand je l'entends démentir, je me dis quel culot, quelle audace et quel mensonge, parce que ça se passe devant la représentation du peuple, devant l'hémicycle, devant l'Assemblée nationale, et c'est un des ministres qui est un des ministres et dont on parlait même un grand espoir de la politique, on en parlait comme peut-être un futur Premier ministre, etc. Bienvenue à tous, c'est un coup de théâtre et c'est aussi un coup de tonnerre pour le gouvernement et pour le monde politique. Deux semaines après sa démission, Jérôme Cahuzac a reconnu donc ce qu'il avait toujours nié jusqu'ici. Il avoue détenir un compte bancaire à l'étranger, un compte ouvert en Suisse. Monsieur Cahuzac, quelle que soit son intelligence, elle est réelle, son aplomb, il est remarquable. Ces mensonges ont fait un énorme dégât sur la classe politique française. Six mois plus tard, l'Assemblée nationale lance une commission d'enquête sur le compte caché de Jérôme Cahuzac. Les députés d'opposition veulent savoir si, au sein du gouvernement socialiste de Jean-Marc Ayrault, certains avaient connaissance de la fraude ou ont cherché à protéger leurs collègues ministres du budget. Veuillez donc, chacun à votre tour, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous donne maintenant la parole. Quand on est convoqué par l'Assemblée nationale et quand on y va, j'avoue une immense fierté. J'avoue, non pas une fierté de gloriole personnelle, c'est vraiment pas la question, une fierté institutionnelle, démocratique, parce que, à titre personnel, je crois très fort, très très fort au contrôle parlementaire. Sans évidemment révéler l'identité des sources, je peux dire qu'elles étaient bancaires, financières, liées au service de renseignement, dans les entourages de la personne concernée, fiscale et politique. Le moment le plus attendu de la commission, c'est l'audition du ministre déchu, Jérôme Cahuzac. Mes chers collègues, il est 16h30, nous allons commencer à l'heure. Monsieur Cahuzac, est-ce que vous voulez bien vous lever ? Levez la main droite. Et dire je le jure. Je jure. Merci. Je le trouve quand même assez costaud, quoi. Hein, parce que l'épreuve quand même est très difficile, se retrouver devant les députés auxquels il avait menti. De quelle façon, lui qui avant était un peu cassant, un peu arrogant. Est-ce que vous avez transféré pendant la période 2006-2012 à la compagnie REL votre compte? La question que vous me posez, je suis obligé de vous dire qu'elle me semble empiéter, non pas aux frontières, mais pleinement, sur l'information judiciaire en cours, et je ne peux pas vous répondre. Jérôme Cahuzac se cachait derrière ça et disait « Je ne peux pas répondre à votre question puisque ça intéresse la justice et que je réserve mes déclarations au juge d'instruction. » C'est toujours le problème aussi de ces commissions d'enquête quand elles interfèrent sur une affaire judiciaire en cours, ce qui était le cas. C'est une affaire judiciaire en cours, donc il faut qu'on soit très prudent. Est-ce que vous pourriez nous préciser à quelle date vous l'avez transféré à Singapour ? Je suis contraint de vous faire la même réponse, Monsieur le Président. Je ne peux pas vous répondre. Il est venu devant la commission d'enquête avec la ferme intention de ne rien dire. Il ne pouvait pas faire autrement que de venir. Il s'est réfugié derrière ce prétexte de ce qu'il y avait une affaire judiciaire en cours pour visiblement ne pas répondre à nos questions. Il n'avait aucune intention de répondre à nos questions. Jérôme Cahuzac a le droit de se taire devant les députés. Le silence vaut mieux qu'un mensonge qui pourrait lui valoir des poursuites pour faux témoignage. Est-ce que vous nous précisez la date et l'objet de ces déplacements en Suisse ? Je le souhaiterais, mais je ne le peux pas, Monsieur le Président, pour les mêmes raisons. Je suis un peu sidéré, je dois dire, par l'attitude de Cahuzac, c'est une chose, mais l'attitude des députés face à l'attitude de Jérôme Cahuzac. C'est-à-dire que Jérôme Cahuzac, en fait, a décidé de se moquer ouvertement de la commission d'enquête parlementaire en disant « je n'ai rien à vous dire ». Bien, donc je prends acte que vous ne répondez pas à ces deux questions. Et on a été beaucoup trop doux avec M. Cahuzac, qui, bon, finalement, il disait qu'il ne répondait pas, et on le laissait ne pas répondre sans trop l'asticoter, si je puis dire. Il est vrai que l'intérêt des questions s'émousse au fur et à mesure que j'ai compris, ça n'engage que moi, et je peux me tromper, que M. Cahuzac était venu ici avec l'intention de ne pas répondre à la commission. Quatrième intervenant, M. Coronado. Merci M. le Président. Je vais tenter de poser une question à laquelle M. Cahuzac puisse répondre. Je sais que c'est difficile au regard de, finalement, la mission de cette commission d'enquête. Moi, j'avais simplement une question simple à vous poser après l'annonce. Enfin, après la publication de l'article de Mediapart qui révélait que vous déteniez un compte depuis de longues années, un compte à l'étranger, donc que vous aviez caché à l'administration fiscale, pourquoi être resté ? Réponse, Monsieur Cahuzac. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, à la suite de cet article principe, une décision est prise qui me déporte systématiquement de toutes les questions relatives à cette affaire. Quant aux sentiments qui sont les miens, à la lumière des choses que j'ai pu faire, des décisions que j'ai pu prendre, peut-être accepterez-vous que je les garde pour moi. Le député Coronado, peu satisfait de cette réponse, tweet depuis la salle d'audition. C'est l'audition, je réponds si je veux et je vous emmerde. Je considère que ça n'est pas digne. On participe à des travaux d'une commission d'enquête, on n'est pas là pour faire le commentaire en laïf de ce qui se passe. Ça dénature par ailleurs l'objectivité du travail de la commission d'enquête. Donc non, c'est pas digne, c'est pas bien. selon moi. Chacun est libre de sa pensée, mais on est là, si vous voulez, pour essayer de découvrir la vérité et pas faire ces petits commentaires irrités par le comportement de, notamment, de Jérôme Cahuzac. À la suite de cet épisode, le président interdit l'utilisation des téléphones portables pendant les auditions. C'était pour éviter qu'ils passent leur temps à tweeter. Oui, bien sûr, c'est un vrai problème pour l'Assemblée nationale, elle en particulier dans ce genre de commission qui se doit d'être particulièrement stricte sur les règles, etc. Je ne veux en éviter aucun. Ces quatre reproches sont la complicité, la duplicité, l'incompétence et la manipulation. Aucun ne tient aujourd'hui. À partir de quelle date avez-vous eu des doutes quant à la véracité des affirmations de Jérôme Cahuzac sur lesquelles il ne détenait aucun avoir non déclaré à l'étranger ? Écoutez, j'ai décidé vraiment de vous dire la vérité, je vous dis toute la vérité. Moi, c'est pas une préoccupation. C'était pas une préoccupation. Il fallait que la justice fasse son travail. Je me suis pas posée pour me demander si Jérôme Cahuzac est coupable ou non. La justice avançait, Cahuzac niait. Bon, voilà, moi, j'ai pas fait des analyses philosophiques sur ces dénégations. C'est des commissions langue de bois typiques, quoi. Et donc, le téléspectateur en est, le voit bien évidemment. La télévision, elle a un effet loop terrible pour ça. Si je devais résumer mon propos, je n'ai jamais disposé d'aucun écrit, aucun élément oral ou écrit démontrant que M. Cahuzac avait disposé d'un compte à l'étranger. La plupart d'entre eux venait donner une parole officielle et un habillage. Et la commission d'Outreau, qui mettait sur le devant de la scène des gens qui ne sont pas forcément politiques, ils jouaient quelque chose. Ils jouaient leur vie, ils jouaient leur innocence pour certains, leur carrière pour d'autres. Il y avait un enjeu fort, personnel, et que chacun avait bien intégré. Dans des commissions très politiques, les gens y vont comme ils vont à une formalité et ils ne jouent rien du tout. Et l'enjeu n'est pas la sincérité, pas la compréhension et pas l'explication. La Taubira ce matin, bon, chose à faire, parler de ça, etc. C'est un peu se moquer du monde. Je parle pas de vous, monsieur le ministre, mais se moquer du monde que de nous dire audition après audition, bah non, on n'en parle pas. Bon, Cahuzac, c'est à peine si on sait qui c'est. L'opposition parle ce soir. Donc, au 1er mai, la vidéo est accablante. On y voit Alexandre Benalla frapper à terre un manifestant. Les témoins parlent d'une scène d'une grande violence. Regardez, il est tremblant. Il y a vraiment un problème. Qu'on n'imagine pas quelqu'un qui est membre du cabinet du président de la République, déguisé en policier, en train de s'en prendre à des citoyens, cependant que d'autres policiers et gendarmes tout autour restent impassibles. Cinq jours après le début du scandale, l'Assemblée nationale lance une commission d'enquête. Mais les choses vont très vite mal tourner. La présidente macroniste, Yaël Braun-Pivet, élue dans le sillage d'Emmanuel Macron, refuse les auditions réclamées par les députés d'opposition. Donc, je vous propose de voter sur la proposition qui est la mienne, qui était de vous proposer d'auditionner le préfet de police, le cas échéant. Madame la Présidente, je crois que vous avez des demandes d'expression assez nombreuses. Le responsable de la compagnie numéro 15. L'enjeu, c'était d'arriver finalement à auditionner certaines personnes qui étaient membres de l'Élysée. Et il y a eu toute une guerre politique à l'intérieur de l'Assemblée pour savoir qui allait être sur la liste des auditionnés. Notre commission d'enquête, elle a le devoir, au nom de la nation, de faire la vérité en toute liberté, sans être entravée par des ordres venus de l'Élysée, relayés par les députés du groupe En Marche. C'est vous, majorité, Madame la Présidente, qui aujourd'hui avez une shortlist, une liste très minimaliste de gens à entendre, et nous voulons, notre groupe, dénoncer cette obstruction. Je suis, comme beaucoup d'élus présents dans cette salle, outré par ce qui est en train de se passer. Je souhaite pouvoir l'exprimer convenablement. Dans quelle démocratie moderne C'est la majorité qui décide une commission d'enquête chargée de juger d'une action de la majorité. Ça ne se passe pas, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je vous propose de voter pour la liste suivante. Non, ça suffit, ce qui suffit. De Monsieur Gibelin. Suffit, c'est... L'audition de Monsieur le préfet de police. Mascarade, Jupiter. Ainsi que du responsable de madame, la madame. Compagnie de CRS numéro 15. Qui est pour? La commission tourne à la foire d'empoigne. Qui est contre? Une mascarade, madame. Qui est contre? Donc je note, la liste est adoptée ainsi que désignée. Je vous ferai parvenir le calendrier des auditions dans la soirée. La séance est levée. Doute pour une Assemblée nationale qui est de la même couleur politique que le gouvernement, embarrassant d'avoir enquêté sur un proche du président de la République. Est-ce que l'Élysée souhaite torpiller les travaux de notre commission? Je le crois, je le crains. Je pense qu'instruction a été donnée aux députés du groupe En Marche de bâcler la préparation d'un vrai faux rapport. Alors je le regrette. Je le regrette vivement. Je suis contraint de suspendre ma participation à ce qui n'est devenu, hélas, qu'une parodie. La commission d'enquête interrompt ses travaux. Elle ne publiera même pas le rapport. Heureusement qu'on n'en est pas resté à cette commission qui a explosé en vol de l'Assemblée nationale, qui n'a eu aucune crédibilité, puisqu'elle n'a eu aucune indépendance. Le Sénat aussi a lancé une commission d'enquête sur le sujet. Il est prévu qu'elle soit publique, télévisée, et qu'elle dure 6 mois. Au Palais du Luxembourg, les macronistes sont très minoritaires. Ils ne peuvent pas s'opposer aux auditions. Le Sénat sent qu'il y a là un sujet politique majeur. Il sent aussi qu'il y a un vrai questionnement sur l'organisation de la sécurité autour du président de la République. Et enfin, il voit un contexte d'actualité qui est favorable pour qu'il y ait un grand écho à cette commission d'enquête. Le bras de fer entre Sénat et Élysée va provoquer une crise institutionnelle d'une violence inédite sous la Ve République. Philippe Bas, sénateur Les Républicains, sera le président de la commission. Alors que l'Élysée, le gouvernement et la majorité parlementaire perdent les pédales, le Sénat apparaît comme le seul pôle de stabilité institutionnelle. Vous voyez, Nacera. Bonjour. Les sénateurs convoquent Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, très proche du couple Macron. L'audition doit éclaircir les liens entre Alexandre Benalla et la hiérarchie policière. Mais Gérard Collomb affirme n'être au courant de rien. Je croyais que monsieur Benalla était policier. C'est un grand moment, de comique républicain, on va appeler ça comme ça. Compte tenu de ce qui se passe, moi j'en découvre chaque jour sur les personnalités. C'est presque une audition entre anciens amis. Il faut se rappeler que Gérard Collomb est un ancien sénateur socialiste, donc il connaît très bien Philippe Bas et les membres de la commission d'enquête du Sénat. Il sait comment s'y prendre et il fait en sorte finalement que l'audition ne se retourne pas tout à fait contre lui. Je lis les journaux comme vous, et il y a toute une partie de l'histoire de monsieur Benalla que franchement je découvre de plus en plus. Eh bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, heureusement qu'il y a les journaux pour vous informer. Ça révèle là aussi les limites de la commission d'enquête, quoi. Quand un ministre n'a pas envie de dire la vérité, il ne la dit pas. C'est tout à fait dommage parce que je pense que c'est pas l'honneur de la démocratie. Le président de la République riposte. Emmanuel Macron choisit la stratégie de communication qu'il a de temps en temps, qu'on peut qualifier de courageuse, transgressive ou provocatrice. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et il a cette phrase incroyable, si un responsable, c'est moi, et qu'il vienne me chercher. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Le seul responsable, il répond au peuple français et au peuple Dès le moment où j'entends, je suis choquée par cette phrase, car le président de la République est un homme intelligent, cultivé, et il sait très bien que les sénateurs ne peuvent pas venir le chercher. La Constitution prévoit expressément l'immunité présidentielle. Voilà. Donc le président de la République ne peut en aucun cas, pendant l'exercice de son mandat, être mis en cause par qui que ce soit. En ce mois de juillet 2018, les auditions s'enchaînent. l'image de la police a été salie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle l'a été. On a l'impression aujourd'hui d'être confronté à une police parallèle, dictée par certains, et je n'ai même employé un mot très fort, mais dont j'assume la complète responsabilité, à savoir à ce que nous étions confrontés, ni plus ni moins qu'il y a des barbouzes. On est en plein été et il y a des gens qui interrompent leurs activités, qu'elles soient professionnelles ou estivales, pour ne pas manquer l'audition de tel ou tel. Moi, j'ai un souvenir très précis. Hein. Pendant que je déroulais les commissions, j'étais avec mon smartphone, j'étais en randonnée en Ardèche. Et quand je savais qu'une commission importante devait démarrer, si vous voulez, mon obsession, c'était de trouver un endroit sur le GR où ça captait et où on pouvait s'arrêter trois quarts d'heure, faire une pause, de préférence à l'ombre, parce qu'il faisait très chaud, et regarder l'audition. Donc j'étais vraiment captivé. Ça devient un feuilleton qui passionne les Français de manière inattendue, presque comme le Tour de France qui a lieu au même moment durant l'été. Non. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, pourquoi ces pics d'audience pour... En revanche, les 15 jours de suspension se feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2007. Compte tenu des éléments portés à notre connaissance à ce moment-là, la sanction apparaît proportionnée. C'est quelque chose d'assez fascinant de voir réellement des gens qui ont du pouvoir se retrouver en situation d'être interrogés. Il y a peut-être une sorte de revanche du citoyen sur l'élu. Moi, ce que je peux vous contenter de vous dire, et là aussi, en restant à la place qui est la mienne, qui est celle de chef de cabinet, c'est les missions que j'ai conférées à M. Benalla, et je vous les ai expliquées, je crois, en détail. Vous étiez informé qu'il bénéficiait d'un port d'armes ? Oui, j'en ai été informé. En quoi ce permis de port d'armes était-il utile à l'exercice de sa fonction à l'Élysée, telle que vous-même la décrivez ? Le besoin d'en connaître doit quand même à minima reposer sur toujours la notion de sécurité. Je ne pense pas que Alexandre Benalla représentait une menace pour la présidence de la République. L'étau se resserre autour d'Emmanuel Macron. Nouvelle offensive de l'Élysée. Plusieurs proches du président attaquent violemment le Sénat. Certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République. Ce sont des propos très choquants de dire que des parlementaires sont une menace pour la République. Monsieur Castaner a tout à fait eu tort de dire cela. Nous avons fait notre travail tel qu'il est prévu dans la Constitution. Dans le journal Le Monde, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, met aussi en doute la légitimité du Sénat. Cette dissertation laborieuse n'aboutit à rien, ne nous a pas fait dévier d'un iota, et j'ai trouvé que c'était totalement inutile. Alexandre Benalla sort de l'ombre à son tour. L'homme casqué de la contrescarpe apparaît sous un tout autre jour. Ce qui est bluffant quand il débarque au Sénat, c'est le personnage qu'il se fait. Les lunettes, le costard et tout. C'est une sorte de gros nounours, à la fois baroudeur et un petit peu barbouze peut-être aussi, mais qui a une présence exceptionnelle devant la caméra pour un jeune de moins de 30 ans. Ça, c'est ce qui frappe d'abord. Bien. Messieurs les photographes, il y a une petite chance maintenant que vous ayez au moins une bonne photographie. Et je vous demande donc de bien vouloir vous retirer de la salle de nos auditions. Et puis en face de lui, il y a un autre acteur, c'est Philippe Bas. Un personnage politique, subtil, madré, mais qui ne s'en laisse pas compter, qui va toujours chercher le point qui fait mal, la saillie qui va déstabiliser son interlocuteur. Donc on a un vrai face-à-face, presque de cinéma. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission, doté des prérogatives d'une commission d'enquête, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Quelle est votre activité professionnelle actuelle ? Le Pôle emploi. Alors, ce renseignement vaut ce qu'il vaut, mais vous savez qu'à peu près dans tous les journaux intéressés par la question, il vous a été prêté une activité de garde du corps qui a été peut-être momentanée ou inexistante, alors, vous allez nous dire, auprès d'une star de la télé-réalité. Oui, je ne suis pas tombé aussi bas, malheureusement. Non, j'ai eu aucune activité professionnelle depuis que j'ai quitté l'Elysée. Il y a eu un certain nombre de fake news qui sont sortis. Bon, j'ai pas la maîtrise des médias, donc je laisse passer. Il y a eu un certain nombre de recours. Plus, monsieur Benalla. Je sais bien, j'ai bien compris. Mais il y a eu un certain nombre de recours qui ont été exercés par mes avocats sur un certain nombre de fake news, mais je ne lis plus la presse. C'est incontestablement quelqu'un qui ne manque pas d'aplomb, et ni d'intelligence d'ailleurs. Ni d'intelligence. Mais j'ai pas exercé de fonction ni de garde du corps, ni je ne souhaite monter une société au Maroc, comme ça a pu être dit. Enfin, je suis français, je suis bien en France. On va s'expliquer devant. Je m'explique devant vous déjà, je m'expliquerai devant la justice et ensuite on reprendra une vie normale. En tout cas, on fera autre chose. Effectivement, il est très bon. Le seul bémol, c'est qu'il apparaît quand même comme arrogant et limite insolent. Évidemment qu'il est très intelligent, très débrouillard, très. Il fait partie de ces personnalités que dont les journalistes raffolent parce que il est grande gueule, il rentre dans l'art de tout le monde, il est fin et puis il parle très bien, il maîtrise les codes. Pouvez-vous ici, sous serment, nous confirmer qu'à aucun moment à l'Élysée vous n'avez exercé de mission relevant de la police ou de la sécurité? Monsieur Benalla. Je vous le confirme. Je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République. Cette audition est maintenant terminée et nous allons accueillir la prochaine personnalité auditionnée. Depuis son départ de l'Élysée, convoqué à nouveau par les sénateurs, 3 mois plus tard, il fait amende honorable. Et je reconnais là une faute de ma part, un manque de discernement peut-être, une erreur sans doute. Je l'ai reconnue devant la justice et je la reconnais devant vous. Monsieur Benalla. Comme Jérôme Cahuzac, il s'abrite derrière l'enquête en cours des juges pour éluder les questions gênantes. Je suis désolé, monsieur le sénateur, mais les conditions d'attribution, de détention et d'obtention, ainsi que de restitution de ces passeports concerne l'information judiciaire en cours, et j'aurai des questions donc de deux juges d'instruction qui sont saisis là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Monsieur Benalla, vous êtes obligé de répondre à ces questions devant notre commission, elles concernent le fonctionnement de l'État, et non pas des fautes que vous auriez pu commettre. Vous avez fait votre demande directement au Quai d'Orsay. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Alors comment ça, cela s'est-il passé? Je le dirai à la juge d'instruction. Mais peut-être qu'elle ne vous le demandera pas, tandis que moi, je vous le demande. Nous allons nous en tenir là. Je vais vous demander de bien vouloir vous retirer, ainsi que votre conseil, et nous allons poursuivre nos travaux. Effricoté avec les représentants d'un oligarque russe. Proche du Kremlin, comme la plupart des oligarques, et surtout soupçonné par plusieurs magistrats européens d'être une sorte de blanchisseur du pire groupe criminel de Moscou. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA pour conclure que, comme l'ont dit les sénateurs, là, il y avait un mélange des genres qui pouvait jusqu'à atteindre éventuellement la sécurité nationale. La liberté et les pouvoirs excessifs laissés à un chargé de mission dans un domaine aussi sensible que la sécurité du chef de l'État témoignent aux yeux de notre commission de l'imprudence de la présidence de la République dans l'encadrement d'un individu qui avait pourtant fait preuve par le passé de comportements professionnels inappropriés. La thèse de la faute de l'homme isolé s'est effacée au profit du dysfonctionnement d'une institution qui a rendu possible ces multiples situations anormales, allant jusqu'à affecter, je crois que Jean-Pierre Sueur l'a dit très bien, la sécurité du président de la République. J'ai donc décidé, conjointement avec les deux rapporteurs, et après avoir consulté ce matin la commission des lois, de demander au président du Sénat que le bureau de notre Assemblée, c'est la procédure, délibère en vue de saisir le procureur de la République de Paris des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite. La décision de saisir la justice pour les faux témoignages

Alors, dit Trump était connu pour ne pas respecter les règles. Alors, espérons que son successeur les respecte mieux. Hein. Après avoir croisé deux véhicules de gendarmerie, nous sommes devant le laboratoire de l'Andra à Bure, CIGEO en bref, centre industriel de stockage géologique. Transporté à travers le pays pendant plus d'un siècle et concentré en un seul lieu, 99,96% de la radioactivité totale des déchets produits par les activités nucléaires depuis les années 60. 270 km de galeries souterraines, 500 mètres sous terre, c'est l'équivalent du métro parisien et demi. À 5 km de double descenderie, 5 km de double descenderie pour descendre les colis. 6 km² d'installation de surface, 130 ans de chantier simultané. On creuse et on remplit en même temps. Incroyable mais vrai. La filière électronucléaire s'est développée en omettant l'essentiel, prouver qu'elle sait gérer ses propres déchets. C'est un avion sans train d'atterrissage, une maison sans toilette. Années 70, après avoir balancé les fûts de déchets atomiques à la mer, rapidement interdit. Ah oui, les Anglais ont emmené 1000 tonnes de déchets nucléaires à peu près entre Jersey et la côte française. Hein. Bon, ben c'était il y a longtemps. Hein, ouais. Les producteurs ont construit un mythe autour du stockage géologique définitif, censé être la seule et unique solution, mais sans avoir rien vérifié au préalable. Résultat, aujourd'hui des tonnes de déchets nucléaires radioactifs pour des centaines, des milliers ou des millions d'années, ça dépend des produits, hein, sur les bras et que des attitudes sur leur devenir. Sans parler de son approvisionnement en uranium, le nucléaire est une énergie propre, sans rire, point d'interrogation. Alors oui, nous, on aura eu l'électricité d'origine nucléaire, et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, comme ça pendant une centaine de générations, ils auront les déchets, les maladies qui vont avec, l'insécurité, voilà, la drôle de vie qu'on laisse à nos descendants. Tout ça à cause du nucléaire et à cause de notre façon de voter. Enfin, notre façon, ça dépend, tout le monde ne vote pas de la même manière. Hein. Hein, tout le monde ne vote pas pour Macron, Sarkozy, etc. Hein. Non, quand même, heureusement. Ah ben heureusement. Assurance maladie, l'arnaque de l'assurance maladie. Le saviez-vous? Une partie des taxes sur le tabac destinées à la sécu n'est pas reversée. 7,8 milliards. Une partie des taxes sur l'alcool destinées à la sécu n'est pas reversée. 3,5 milliards. Une partie des primes d'assurance automobile destinées à la sécu n'est pas reversée. 1,6 milliard. La taxe sur les industries polluantes destinées à la sécu n'est pas reversée. 1,2 milliard. La part de TVA destinée à la Sécu n'est pas reversée, 2 milliards. Le retard de paiement à la Sécu pour les contrats aidés, 2,1 milliards. Septièmement, retard de paiement par les entreprises, 1,9 milliard. On arrive au chiffre de 20 milliards d'euros. Si le gouvernement faisait son boulot efficacement et honnêtement, si chacune des institutions reversait ce qu'elle doit chaque année, les prétendus 11 milliards de trous seraient aujourd'hui 9 milliards d'excédents. Si vous refusez de faire de la politique, les médiocres vont le faire. Décidez à votre place, de façon médiocre. Vous dirigez de façon médiocre et vous n'y pourrez absolument rien. Engagez-vous pour la justice et l'équité. Combattez la justice, même si vous serez combattu. N'oubliez jamais ceci, tu ne fais pas de politique, la politique te fera. Sur les routes, dans les hôpitaux, au marché, et même en famille. Cité contre le RMI, pour les moins de 25 ans, et que tu te fais taxer ton autoradio, ton portefeuille croco, ton coupé Merco, c'est bien fait pour ta gueule. Quand les éboueurs font grève, les orduriers sont indignés. Le giratoire de l'octroi fermé pendant 3 nuits pour ses 10 ans. C'était à quelque temps. Non, c'était pas l'octroi, c'est l'éco-quartier. Éco-quartier. Hein? L'octroi, c'est l'éco-quartier. Oui, oui, oui. Si, si, c'est écrit. C'est écrit y compris dans le journal. Alors, c'est donc que c'est vrai. C'est que c'est un éco-quartier. Faudrait mettre un mesureur de CO2, de gaz carbonique. Hein, pour voir, hein, comme ça, pour mesurer, pour se rendre compte. Alors, l'entretien du dimanche avec Gérard Haroux, l'Occident qui dominait le monde, c'est fini. Guerre en Ukraine, tension entre États-Unis et Chine, puissance émergente, France esselée, avec une liberté de ton qui le caractérise, Gérard Haroux, ancien ambassadeur de France à Washington, dresse le nouvel état du monde et défend l'art difficile de la diplomatie malmenée dans les temps actuels. On entre dans une nouvelle ère. On a eu, après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, avec deux patrons qui géraient leur camp pour éviter le pire. Oui. Ensuite, on a eu le triomphe occidental géré par les Américains. Aujourd'hui, les rapports de force ont changé. La Chine a émergé. La Russie est de retour. L'Inde monte. Et les États-Unis sont un gendarme un peu fatigué après les échecs répétés. Irak, Afghanistan, Vietnam, etc. Énergie. L'industrie prête à tout pour diminuer la facture. Et la centrale solaire de Dommartin. Vous savez qu'il y a une enquête en cours, une enquête d'utilité publique à la mairie de Dommartin. C'est 3 samedis de suite. Hein, la première a déjà eu lieu, il en reste 2. Voilà, si vous voulez donner votre avis sur la question, ben c'est le moment. Parce que ben, un citoyen qui ne donne pas son avis, on se fout de lui. Kiev avance dans l'Est, Moscou se concentre autour de Donetsk. Je vous dis que j'ai la certitude que la graine que l'on a confiée au peuple chilien ne pourra pas être définitivement détruite. Ils ont la force. Ils pourront nous asservir, mais ils n'éviteront pas les procès sociaux, ni avec le crime, ni avec la force. Ils vont sûrement faire taire Radio Magallan. Et vous ne pouvez plus entendre le son métallique de ma voix tranquille. Je passe. Le peuple doit se défendre et non pas se sacrifier. Alors, qui est-ce qui a dit ces quelques phrases? Vous allez de l'avant, sachant que bientôt s'ouvriront de grandes avenues où passera l'homme libre pour construire une société meilleure. C'était Salvador. Salvador, rappelez-vous? Oui, Salvador Allende, le 11 septembre 1973. Eh oui, voilà. Voilà, voilà. Fermeture du collège au Val d'Ajol, certains accès dégagés par les parents. Voilà, oui, bon, comment se terminera cette aventure-là? Conseil des ministres, l'Union européenne s'arme pour la guerre de l'énergie. Voilà, alors les 27 ministres européens de l'énergie et de la Commission européenne réunis à Bruxelles. Alors, ils vont nous sortir des choses très positives, très constructives, c'est sûr. Hein? Oh oui. Jean-Christophe Lagarde, placé en garde à vue dans l'affaire des fausses accusations contre Alexis Corbière et Raquel Garrido. Interpellé à son domicile. Il est membre de l'Union des démocrates indépendants, UDI. Et il a été battu aux élections législative par Raquel Garrido. Eh oui. Vous voyez comme quoi la délinquance et la politique se côtoient souvent, s'entremêlent parfois. Sur 4 mois, entre mars et juin 2022, les importations de nickel russe aux États-Unis ont augmenté en volume de 70% par rapport à la même période en 2021. Non seulement ces importations n'ont pas cessé, mais elles ont augmenté et même presque doublé par rapport à l'année précédente. Pour l'Union européenne, l'augmentation est seulement de 22%.